merci Jean-Louis. Donc maintenant, on va laisser la parole à Emmanuel Tixier Duménil de Paris-Ouest, Nanterre. Merci. Donc, bon, c'est difficile de parler après ce constat. Et très rapidement, le paradoxe, c'est qu'effectivement, la lutte contre la commu prévue entre nos établissements de Nanterre et de Paris 8 nous a totalement rapprochés. C'est-à-dire que nous communions désormais dans une complicité militante qui fait que les passerelles existent désormais. Et c'est pas peu dire. Alors, le problème s'est posé déjà lorsqu'il a été question du PRESS qui a été voté dans l'urgence et juste après que l'équipe présidentielle à Nanterre comme à Paris 8 ait été élue, il y a à peu près 18 mois. Et le PRESS nous a été présenté comme quelque chose d'absolument positif, toujours avec les mêmes arguments. Je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit. Nous allons être des interlocuteurs de poids, on va avoir beaucoup d'argent, etc. Toujours les mêmes fables. Le presse déjà posait problème. On a un certain nombre de collègues, un nombre de nos dirigeants nous disent maintenant la commu, c'est tout à fait souhaitable. Et ils ont fait très exactement le même chemin intellectuel que ceux qui ont pondu le projet de commu. C'est-à-dire qu'un certain nombre de nos collègues ont compris que la commu serait une superstructure qui allait réussir à truster l'argent et un certain nombre de filières prestigieuses, etc. Et donc, les plus ambitieux, ceux qui avaient toujours le mot excellence à la bouche, ceux qui étaient, etc., tout d'un coup adorent la commu, parce qu'ils ont bien compris qu'il y avait là des niches à prendre, et les établissements géreront les chèques, les premières années, les amphis surpeuplés, etc. Donc, on a désormais un discours pro-commu qui est assez intéressant. En ce qui concerne le CA, je reprends ce qui a déjà été dit. C'est à peu près partout pareil. Grande difficulté à faire exister le débat, c'est impossible. La commu, c'est obligatoire, il n'y a pas d'alternative. La question est déjà réglée. Ce matin même, en bureau du CA, on a dû se battre pour demander à ce qu'un débat sur la future commu puisse être mis à l'ordre du jour du CA de mai. On nous dit, on va en parler en juin, au moment de voter les statuts, ça suffira bien d'en parler à ce moment-là, ce qui est quand même assez sidérant. Et j'avais pas pensé à la différence sémantique entre débat et information. Donc finalement, ils ont, après au moins un quart d'heure de résistance, fini par nous concéder une information sur l'information sur la commu. Je pense qu'on a une carte à jouer au CA. Alors, je suis beaucoup moins optimiste que Jean-Louis. Je suis pas du tout sûre qu'on arrive à faire... à voter contre la commu. Néanmoins, je pense qu'il est important de montrer, et ça c'est Bruno Dreotti qui nous avait montré ça lors d'une réunion précédemment faite à Paris 8, que nous sommes dans une démarche ouverte. On n'est pas dans un complot pour essayer au dernier moment de faire se casser la figure la commu. On est dans la présentation de quelque chose de très intéressant, l'association, et que justement, c'est une réflexion de tout le monde. On va distribuer des documents de travail, on va essayer d'associer les gens à la convention d'association, on va essayer d'associer les gens à la réflexion à ces statuts et présenter ça au regard de l'attitude de la plupart des présidences d'université, qui est on garde par-devers nous les versions zéro, on ne les montre pas. Le jour J, on va les présenter, on va essayer de les faire passer de force. Donc une démarche plutôt ouverte, constructive, etc., pour essayer de présenter autre chose. Alors, effectivement, je suis d'accord avec Jean-Louis, ça fait plusieurs années qu'on est un certain nombre à être fatigués par les mobilisations, par les échecs aussi, qu'on s'est quand même pris régulièrement dans les dents, par la mauvaise foi qu'on nous voit opposer à chaque fois. Mais là, c'est vraiment un combat de la dernière chance. C'est-à-dire que si les commus passent, on est foutu. Des CA avec moins de 30% d'élus, c'est fichu. Les transferts de compétences, tout ça, c'est fichu. On parlait des redondances, des doublons. Paris 8 et Paris 10, on fait les mêmes cours. Enfin, on a les mêmes disciplines. On n'a même pas de médecin. On fait les mêmes trucs, donc forcément ça va disparaître. C'est pas uniquement pour défendre nos postes et que quand il y a, moi je suis historienne, 400 étudiants là, 400 là, et du coup ça va faire fusionner, on va perdre des postes. C'est pas uniquement ça. C'est qu'il y a plein d'étudiants qui n'iront pas faire, si le département d'histoire est transféré à Paris 8, des étudiants de la région de Nanterre n'iront pas à Paris 8 suivre des cours d'histoire. Enfin, les enjeux sont quand même assez énormes. Et donc, je pense qu'il faut vraiment interpeller, c'est ce qu'on disait, tous les membres des CA, les mettre en face de leurs responsabilités en disant que là, il y a quand même des choix, un par un, des choix décisifs, et que ce vote engage de façon irréversible. Merci.